bonjour à toutes et à tous. Bon début de semaine dans le MAG sur Radioactive. Aujourd'hui, je vous invite à vous plonger à la Renaissance et je vous emmène dans un lieu mythique de la Touraine, le manoir du Clos Lucé à Amboise, où l'exposition événement Léonard de Vinci et les parfums à la Renaissance est ouverte au public depuis quelques jours. Cette exposition inédite retrace le rapport que pouvait avoir l'inventeur de génie aux parfums, aux plantes qui les composent et aux senteurs en général. En effet, Léonard de Vinci a longtemps été intrigué par les fragrances et leur fabrication, un intérêt qui remonte à son enfance en Toscane et à l'héritage culturel reçu de sa mère Caterina, esclave affranchie originaire d'Orient. Léonard de Vinci, célèbre pour ses contributions dans les domaines de l'art, de la science et de l'ingénierie, a manifesté un vif intérêt pour l'odorat et les parfums. Ses écrits attestent de sa fascination pour la science de l'odorat et la possibilité d'élaborer une science équivalente à celle de la vue ou de l'ouïe. Léonard note des recettes parfumées recourant aux techniques de l'enfleurage et de la distillation de fleurs ou d'écorces. Dans le Codex Atlanticus, on découvre le croquis d'un noiselet de Chypre, brûle-parfum ouvragé, à la mode durant la Renaissance. Inspirées des tableaux et des objets présentés, les compositions reconstituées à partir des recettes de la Renaissance, interprétées ou parfois évoquées, vont donc vous transporter au cœur de l'univers sensoriel de l'époque. Vous pourrez sentir l'odeur puissante de la civette ou du musc, celle délicate de la rose, mais aussi l'aloès, le jasmin, le labdanum. Une expérience olfactive rendue possible grâce à la collaboration entre les historiens et les parfumeurs de la société Givaudan. L'exposition du Clos Lucé propose un parcours multisensoriel réparti dans 5 salles, sous le commissariat d'exposition de Carlo Vecce et Pascal Briouat, spécialistes notoires de la vie et de l'œuvre de Léonard de Vinci. Le professeur Carlo Vecce, présent lors de la journée d'inauguration officielle du 14 juin dernier, a justement éclairé de ses connaissances la visite découverte des trésors de cette expo et nous a notamment dévoilé le secret du collier de la dame à l'hermine. Le parfum. On a découvert le parfum de la dame à l'hermine. Et on a découvert aussi que dans tous les tableaux de Léonard de Vinci, il y a le parfum. Et que Léonard de Vinci a essayé de communiquer avec nous, pas seulement avec les images, mais avec une communication multisensorielle, à la fois le mouvement, les sons, les bruits, les voix des apôtres de la dernière scène, la bataille d'Anghiari, mais aussi les odeurs et les parfums. Les fleurs, l'humideur de la Vierge Rochère, le voile de la Joconde. Quel est le parfum de la Joconde? Mais ici, on a la dame à l'hermine, et vous pouvez vous approcher. On a découvert que le collier de la dame à l'hermine, ce ne sont pas des perles ou des pierres, c'est de l'ambre noir. Et on peut sentir le parfum de la dame à l'hermine. Cette expo vous invite également à découvrir 2 dessins originaux de Léonard de Vinci, prêtés par la bibliothèque ambrosienne de Milan, l'Alambic et la Swedel, ainsi que 4 tableaux de ses élèves. La scénographie et tous les éléments olfactifs ont été spécialement créés pour l'exposition par des agences spécialisées dans les expériences polysensorielles. L'inauguration s'est faite également en présence de François Saint-Brice, président de la Société du Château du Clos Lucé, mais également de François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Chacun a pu exprimer ses impressions. Cette exposition, elle témoigne de la richesse et de la vitalité des relations européenne et illustre notre aptitude à partager, faire vivre, mais aussi rayonner une culture commune et un patrimoine immatériel et vivant hérité de l'humanisme de la Renaissance. Le terme de visite ne convient pas finalement, François. Le terme de visite ne convient pas parce que ça n'est pas une visite. La visite, on pense à l'œil. Et ici, c'est la totalité des sens qui sont convoqués. Et en réfléchissant, je me dis que finalement, ce que vous avez créé pour nous, créé pour les visiteurs, c'est un parcours immersif, c'est un parcours de découverte, c'est un parcours d'émotion, c'est un parcours total. Merci de nous amener à penser que à chaque fois que nous allons prendre un flacon de parfum, eh bien, nous sommes finalement les héritiers d'une magnifique aventure humaine qui date de millénaires et qui est véritablement dans cette rencontre. Ce moment, il est particulier parce qu'il y a 3 mois, je signais avec mon homologue, président de la région de Toscane, cet accord de coopération décentralisée. C'est une magnifique promesse pour notre territoire mais c'est aussi une chance extraordinaire. Nous la partageons ensemble aujourd'hui. Merci, merci à vous. Léonard de Vinci et les parfums à la Renaissance, une magnifique exposition à découvrir jusqu'au 15 septembre au Clos Lucé à Amboise, dans la halle muséographique, de 10h à 18h45 chaque jour, pour un tarif de 5€ pour les adultes, tarif réduit de 3€. Toutes les infos pour préparer votre visite sont sur le site vinci-clauslucé.com. C'est la fin de ce mag, on se retrouve demain à 18h. Restez bien à l'écoute des programmes de Radioactive.